Allez, je cherche ma sœur. Allez, tu vas. Allez. Et le chien des stupes a du flair. Non seulement il détecte la drogue, mais il retrouve même un pistolet qui pèsera lourd dans le dossier d'accusation. Chez nous, la Réunion, tire les ficelles dans le ghetto. Ghetto, mon blondel, chaud. Écoute, c'est annoncé, processus amorcé. Dieu sait quand on va payer les conséquences. Éduqué par le rap à coup de poing et d'insulte. Au plus violent, la bonne note. Et pour les autres, le temps se gâte. Ils ont pas peur des menottes, c'est qu'un riz regrettable, offensé. On a la haine des keufs, à peine sorti de l'œuf. Rap adressé avec des mots agressifs. Écoute, trace, finalement, sans fois ton explosif. Je peux pas rivaliser sans un putain d'attirail. Faut mieux que je me prépare avant de livrer bataille. J'ai besoin de gars OP, pas des gars qui s'ennuient. J'ai vu des frères renier l'école et jeter leurs livres. Et tirer dans le ghetto, c'est pas les mots qui comptent. On se comprend très tôt, à coup de fusil à peau. C'est réglé, un en moins, un plus un ça fait deux. Deux en moins, plus pour un, et pour tous il reste au jeu. Qui tire les fils dans le ghetto, ghetto. Qui nous appartient dans le béton, béton. J'en ai pris conscience très tôt, très tôt. Et j'ai des réponses aux questions, questions. Qui tire les fils dans le ghetto, ghetto. Qui nous appartient dans le béton. Et d'autres pas, d'autres pas. S'il y a plus de gens qu'on respecte, alors y'a que des gens qu'on encule. Mais c'est encore pire, on s'emmerde. Et tes mains comme ça pue, on s'assume. Et ça pue, et j'assume. Tant que je consomme, on raconsulte. Y'en a qui me consultent, encore entendu. Jamais entendu autant de flûte. Wesh, on est où les gars? On va où? Jamais vu autant de putes. Fais gaffe à ton cul, les gars sont en rue. Toujours à la vue, pour répondre à l'appel. T'as pas mis de boss, mais l'instru, y'a des rimes à l'appel. Mais restons dans le contexte, trop de violence, irresponsable, stable et durable. Et pour trop de monde consensuel, on va forcer les portes quand siège le conseil. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on assiège? Ils ont pas l'argent sous le siège. L'argent c'est à la banque, pas dans le ghetto. Ghetto, pour garder les noirs, j'ai ce qu'il faut, ce qu'il faut. Et qui tire les fils dans le ghetto, ghetto. Qui nous appartient dans le béton. De faire croire, faire croire, c'est pas croyable, on sert quoi? On se cause et l'air narquois. Et Sarko fait son show au journal télévisé. Ses semblants de solutions ont attisé les conflits. Ils galvanisent les condés en désignant des rivaux. Ils vont s'y casser les dents, ils vont pleurer des rivières. Et c'est déjà la misère. Qui c'est qui creuse les fossés? Demande aux gosses du quartier, qui c'est qui faut désosser? Ils ont la rage dans la tête, et font le club sur les os. Mes larmes dans la poche, trop ton poste, t'as qu'à piocher, ricocher. Si elle déproche, t'as manché, t'as enclenché, t'as pas faire chier, pas plus de couché, couché, si mon rap est touché, c'est bouché. T'inquiète mec, j'ai blagé. C'est conflit dans ma vie comme dans ma ville. Mais pour garder l'espoir, j'ai ce qu'il faut, ce qu'il faut. Et qui tire les ficelles dans le ghetto, ghetto. Qui nous appartient dans le béton, béton. J'en ai pris conscience très tôt, très tôt. Et j'ai des réponses aux questions, questions. Et qui tire les ficelles dans le ghetto, ghetto. Qui nous appartient dans le béton, béton. J'en ai pris conscience très tôt, très tôt. Qui tire les ficelles dans le ghetto, ghetto. Qui nous a partout dans le ghetto.